Un message de Prune de Lyon qui nous dit « Objectif du printemps, avoir un jardin plus sympa et plus responsable. » Prune, chez Castorama, la nouvelle collection jardin est là. Les conseillers t'attendent pour te proposer des solutions et des produits plus responsables pour entretenir, aménager, cultiver. Jardin, balcon, terrasse. Venez vite chez Castorama réinventer votre extérieur. Retrouvez la nouvelle collection jardin Mieux vivre au vert en magasin sur castorama.fr ou sur l'application Castorama. Castorama, changer nous fait avancer. France Inter. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Opération Lima, sixième et dernier épisode de cette série écrite par Vincent Hazard, réalisée par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Cette série est une fiction basée sur le réel, car nous sommes dans Affaires sensibles, elle est intitulée l'Opération Lima, c'est un thriller. Tout commence par l'enlèvement d'une petite fille, Mia Montemaggi, enlèvement commandité par sa mère Lola. C'est ce que vous ont raconté les cinq premiers épisodes que vous pouvez réécouter à loisir en podcast pour relier les fils de cette histoire. Une histoire qui pose cette question, jusqu'où le scepticisme est-il légitime et quand se transforme-t-il en paranoïa ? Comment en vient-on à croire que l'État, par exemple, nous veut du mal ? Et pourquoi certains citoyens veulent-ils se soustraire à ces lois ? L'affaire Mia ou le monde empoisonné, immersion dans une dérive citoyenne. Après ce dernier épisode, et pour décrypter tout cela, nous recevrons Gérard Bronner, sociologue, spécialiste des croyances collectives. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Opération Lima, une série de Vincent Hazard. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Sixième épisode, le grand renversement. Alors cette fois c'est bon ? Oui, elles ont été repérées à l'intérieur du squat. Ok, merci Karim, on arrive juste. Le point de rendez-vous devrait être sur la gauche. Ok, c'est les fourgons des policiers suisses, là. Je suppose qu'on laisse tout ici et qu'on continue à pied, non ? Oui, c'est ce que Karim m'a dit. La nuit a été courte. Julieta a fini par avouer qu'elle avait bien hébergé Lila et Mia, avant de les déposer dans un squat dans la commune de Sainte-Croix. La police suisse s'est mise en planque. Un témoin a vu une jeune femme, avec une petite fille dans le jardin du squat hier, en fin d'après-midi. On n'a aucune garantie, mais la description semblait correspondre. On n'a aucune certitude, mais cette fois, le capitaine a voulu faire le déplacement. Sainte-Croix, Suisse, dimanche 18 avril 2021, 8h30. Bonjour, bonjour capitaine. Bonjour. Bonjour Karim. Squat est une ancienne usine. A priori, ils ont un accord avec la mairie. Ce genre de choses est légal en Suisse. Pas d'armes connues. Mais on n'a pas une liste précise de tous les résidents. On a planqué toute la nuit, on n'a vu personne. On vous attendait pour déclencher une opération. On va attendre, on va pas taper alors que tout le monde dort. Faut déjà essayer d'attraper des résidents pour savoir si elles sont bien là. Entendu. Je vais vous présenter le chef des opérations. Bon, sinon, nous ne sommes pas censés intervenir. Mais quand on mettra la main sur Mia, elle devra être séparée de sa mère. On a l'autorisation de ramener Mia au plus vite à sa grand-mère. Des éducateurs sont en route, mais lors de l'interpellation, avec Michael, c'est nous qui prendrons en charge la petite. Pas les Suisses. Entendu. Avant certaines opérations, on a la boule au ventre. J'ai fait quelques années au peloton d'intervention, et j'ai participé à quelques opérations délicates. Mais celle-là est particulière. Séparer une mère et sa fille, c'est jamais évident. Commune de Sainte-Croix, usine désaffectée, 18 avril 2021, 10h40. Toujours rien, capitaine. Si on n'arrive pas à isoler des résidents dehors, on va devoir investir les lieux. Je comprends, Major, mais j'aimerais qu'on attende encore un peu. Si elles sont là, elles vont bien finir par se décourter les jambes dehors. La petite, elle va pas rester enfermée. D'accord. Ça va? Les Suisses t'ont bien traité? Ouais, ouais. Mais ici, le plat du jour est à 20 balles. Je te raconte pas comment je vais faire passer les notes de frais. Ah, on verra. Mais je suis sûr qu'ils ont un tarif suisse. Tu crois? Attends. Je crois que c'est elle, ça sort. Ouais, c'est elle. C'est elle. Sa mère. Ok. Les objectifs sont en train de sortir dans le jardin. La mère et la fille sont dans le jardin. Elles sont pas armées. Vous y allez doucement. Objectif a priori non violent et pas d'armes connues. Rappelez-vous qu'il y a une enfant. On déclenche. Je répète, on déclenche. Madame, je suis le capitaine Joyant de la gendarmerie française. Maman, qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Vous êtes des robots. Vous devriez avoir honte de vous. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire là? Honte à vous. Vous êtes suspecté d'enlèvement de mineurs en bande organisée, madame. Mais c'est ma fille. J'enlève personne, c'est ma fille, vous entendez? C'est ma fille. Elle va aller en prison? C'est-à-dire... tu sais, ta maman... Ne t'inquiète pas, Mia. Tu vas la revoir. Ta maman a fait quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de faire, mais ça ne fait pas d'elle une personne mauvaise. Je sais. Mais tu sais qu'elle fait ou dit des choses des fois qu'il ne faut pas vraiment faire. Elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle t'aime. Mais de toute façon, tu la verras, comme avant, quand tu étais chez ta mamie. Tu la verras de la même façon. Elle sera toujours là. Oui. Tu vas reprendre ta vie comme avant avec ta mamie. Tu es bien chez ta mamie? Oui. Tu fais du cheval à ce que je sais, non? Oui. Tu vas pouvoir y aller avec ta mamie, tu vas voir. Les vacances ne sont pas terminées. Mais ma maman, vous allez la soigner? La petite ne pleure pas. Elle reste stoïque. C'est terrible de se dire que dans sa courte vie, elle en a déjà vu d'autres. Je me demande si c'est un mécanisme de défense. Si elle va garder des séquelles. En tout cas, j'aurais jamais réussi à trouver les mots comme le capitaine. Elle m'a impressionné. On a suivi les éducateurs. En fait, ce sont plutôt eux qui nous ont suivis. Pour rendre la petite à sa grand-mère le plus vite possible. On est bientôt arrivés. Tu reconnais? Oui. Chérie, oh, tu m'as manqué, moi, chérie. Toi aussi, mamie. Alors, tu veux retrouver ta chambre? On t'a acheté un petit cadeau. Ah oui. Yves et Catherine vont rester un peu avec toi. Ce sont les éducateurs qui nous accompagnent. Ils vont rester un peu. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Il faut juste que vous signiez ici. Venez. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ça en fait du monde chez vous, hein. On est désolé, mais il n'y a pas trop le choix. Nos hommes se tiendront à distance pour ne pas perturber la petite. Les psychologues sont là pour vous aider et il se peut que Mia ait des cauchemars, qu'elle ait peur de revenir à l'endroit où elle a été enlevée. Oui, je comprends. Et les gendarmes armés, c'est vraiment nécessaire? Nous n'avons pas encore arrêté tous les coupables. Il y a peu de risques, mais il faut prendre toutes les précautions. On pense tous au bien-être de Mia. Je comprends. En tout cas, merci. De rien. Vous voulez boire ou manger quelque chose? Non, ça va. Il va falloir que vous répondiez à nos questions. Vous avez été notifié du début de votre garde à vue? Ouais. Bien. Vous avez quelque chose à déclarer spontanément? Ouais. Je suis la maman de Mia et c'est mon devoir de la protéger. Notez bien ça. Hein. J'ai essayé de me faire entendre auprès de la juge concernant la garde de Mia, mais j'ai jamais été entendue. La juge m'a écoutée deux fois 30 secondes, notamment le 11 janvier, elle m'a coupé la parole. Elle m'a même pas laissé m'exprimer pour dire ce que ce qu'on me reprochait, c'était complètement faux. J'aime ma fille plus que tout au monde. Et comme la justice n'a pas protégé ma fille, j'ai agi légitimement. Et ça a été interprété comme un enlèvement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant que les médias s'intéressent à notre situation, j'ai confiance qu'un autre juge va regarder cette injustice. J'espère que vous allez casser la décision de me séparer de ma fille. J'ai confiance en la justice et il n'y a aucune raison que je ne sois pas réunie avec ma fille. Elle n'a pas saisi la gravité de ses actes. Elle est dans le déni. Ça arrive souvent, ce genre de situation. Ouais, elle réfute les décisions de justice. Comme les êtres souverains. C'est quoi encore, ce truc ? Elle faisait partie d'un groupe complotiste sur Facebook qui s'appelle Les Êtres Souverains. Ils s'inspirent des croyances QAnon américaines. Ils refusent les lois de l'État, ils payent plus leurs impôts, ils déchirent leur carte d'identité. Effectivement, ça expliquerait ce refus de la réalité. Ce groupe est animé en France par une ancienne infirmière psy qui se la joue apprenti gourou. Ça, on en voit passer des gens qui exploitent la misère des mamans en souffrance. Le lien est trop ténu pour qu'on puisse les incriminer. Mais clairement, elle est influencée. Mais vous, vous avez déjà travaillé sur ce genre de cas de mère qui part en vrille ? J'ai fait quelques années la brigade de protection des familles, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Je veux bien le croire. En tout cas, je voulais vous dire, vous avez été très bien avec la petite. J'aurais pas su m'y prendre. Merci. C'est vous qui aviez raison, Michael. On fait vraiment un métier d'assistante sociale. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Rémi Daillé. Loin de la justice française, il vit actuellement en Malaisie. Bien, tous les soirs, on brûlait... L'homme nie toute implication dans l'enlèvement de la fillette, mais accepte de nous accorder une interview. Comment vous retrouvez-vous impliqué dans l'enlèvement de Mia ? Dans la restitution de l'enfant, on voulait dire, parce qu'il n'y a pas d'enlèvement à proprement parler, au contraire. Puisque je rends un enfant, enfin je rends, ce n'est pas moi qui le rend, des hommes rendent un enfant à sa maman, à sa demande. Parce que, pour ce que nous en savons, ce qui est dit au sujet de cette maman, comme de très nombreuses autres mamans, ne tient pas lieu de qualification pénale. C'est-à-dire que l'anorexie, ou le goût pour le survivalisme, ou pour la choucroute farcie, ou pour l'alimentation végane, si vous voulez, ça n'a pas lieu de donner suite au placement de l'enfant. C'est une aberration. Et des cas comme ça, on en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Ce gourou en carton se permet même de donner des interviews alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international et d'une fiche rouge d'Interpol. Le mec se croit intouchable. Une information judiciaire est désormais ouverte. La juge Picard a été saisie. Elle vous sollicitera dès qu'elle aura pu prendre connaissance du dossier. Maintenant que l'urgence est passée et que la petite est sauvée, il faut reprendre l'enquête et préparer une synthèse pour Madame la juge. Comment cette opération a été organisée et la responsabilité de chacun. Je vous demande de reprendre les PV, les constatations, les interceptions téléphoniques pour comprendre qui a fait quoi. Karim, vous nous faites un rapport sur les investigations en Suisse ? Entendu. Florence, vous me faites un résumé des PV des mises en cause proches de Daillé ? Bien, capitaine. Marc, vous vous occupez des scellés ? Bien sûr. Michael, vous rédigerez une note sur l'enquête sur les réseaux sociaux et je me charge du PV de synthèse. Mais... Est-ce que je liste tous les membres des groupes sur Internet ? Ceux qui ont participé à la cagnotte, ceux qui ont soutenu verbalement, il y a potentiellement des dizaines de complices. C'est un cas de figure inhabituel. On est sur un mouvement de soutien très vaste, effectivement. Mais on ne pourra pas poursuivre tout le monde. Pour nous, le principal, c'est de présenter à Madame la juge une vision globale de l'enquête, mais ne pas non plus la noyer avec les noms. Mettez ce dont vous êtes sûr. C'est elle qui reprendra l'enquête et décidera si elle veut mettre de nouvelles personnes en examen. Je viens avec vous. Madame le juge vous attend pour 15h. Merci. Daillé en cavale, Pichoun et les autres membres du commando risquent gros. La réclusion à perpétuité. Pourtant, Pichoun ne bronche pas. Il est fascinant, ce type. Pas du tout à sa place. Pourtant, c'est lui qui a pris la tête des opérations. Il ne nie pas. Il s'en vante même. Il assume totalement. Je peux vous poser une question ? Allez-y. Vous pensez vraiment que la juge va garder le chef d'accusation d'enlèvement de mineurs en bande organisée ? C'est pas à moi de le dire. Mais a priori, ça correspond à la définition du code pénal. On a sûrement fait une connerie. C'est vrai que la mère nous a menti et qu'elle a l'air inapte à garder sa fille. Mais on était de bonne foi. Malheureusement, la bonne foi n'est pas recevable au regard de la loi. Oui. Vous regrettez de vous être engagé là-dedans ? Oui. Je suis déçu par Daillé. Il s'est trop dispersé. Il fallait se concentrer sur la révolution populaire et pacifique. Pas sur ses restitutions d'enfants. Ça serait venu après la révolution. Je comprends. C'est étonnant. Vous êtes musicien, mais vous avez l'air très politisé. La musique, ça fait un an que Macron me laisse pas en faire. Et je déteste l'injustice. C'est comme la politique. Ça doit être un truc de famille, ça. Votre famille pense quoi de votre action ? Ce sont mes propres frères qui m'ont dénoncé à la police. Pour dérive complotiste. Alors ça vous dit ce qu'ils en pensent. Le pire, c'est mon grand frère qui est député. Pardon ? J'ai un frère député, pro-Macron. Il se fourvoie. Avec tout l'amour que j'ai pour lui, il est déconnecté. Ils sont fous des gens, il me prend de haut. Votre frère est député de la majorité ? Bah ouais, ça arrive. Je suis le petit dernier de la fratrie. Le vilain petit canard complotiste. On a rompu définitivement quand mes frères ont voulu faire vacciner notre mère. Et vous vous rendez compte ? Elle a 94 ans. On sait que les très vieux n'ont pas besoin d'être vaccinés. Et là, ils me font savoir qu'ils voulaient lui injecter cette merde de vaccin. Je les ai prévenus. Hein. Moi, je bute le premier qui vient avec une seringue pour piquer ma mère. Et là-dessus, ils ont appelé les flics dans mon dos. C'est comme ça que je me suis retrouvé sous surveillance, je parie. Pourquoi vous pensez que votre frère participe au complot ? Je sais pas. Il est devenu une marionnette comme les autres. Même Macron, c'est une marionnette. Une marionnette de qui ? De ceux qui tirent les ficelles, les Rothschild, Attali et compagnie. Des juifs. Ouais. Il y en a beaucoup dans l'oligarchie. C'est un fait. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas d'extrême droite. J'ai peut-être entendu des choses, des commentaires de gens autour de moi, mais j'ai jamais été d'extrême droite. Je viens d'une famille qui a connu la guerre et a gardé des souvenirs horribles des enfants juifs qui se faisaient rafler. Je comprends. Bon, après c'est vrai qu'on pense pas tous pareil, même au sein du mouvement de Daillé. C'est vrai qu'il y avait des gens bien à droite. Mais on a une base commune, un but commun. Et on a trouvé Rémi Daillé à un moment donné qui a dit ce qu'on voulait entendre, qui a fait une vraie proposition. Mais si c'était pas lui, ça aurait été un autre. Si c'est pas le bon, on trouvera quelqu'un d'autre. On trouvera quelqu'un d'autre. Ces mots résonnent dans ma tête. Ces gens ne sont pas sous emprise de Rémi Daillé. On a tort de le présenter comme un gourou. Daillé est un mégalomane autocentré, délirant et dangereux, mais il n'a pas d'emprise sur les gens qui le suivent. Il ne fait que réagir aux tendances pour servir sa soif de reconnaissance. Il l'expliquait lui-même dans une vidéo pour réussir son blog il y a quelques années. Vous vous dites peut-être, en arrivant sur ce blog, que vous allez vous y mettre un de ces jours, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé l'idée. Alors je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas de trouver une idée par vous-même. Nous allons ensemble voir sur Internet quelle est l'idée la plus pertinente et qui est la plus proche de ce que vous pouvez attendre. On ne va pas partir de votre idée en réalité. C'est le marché qui va nous le dire. Il ne faisait que réagir. Est-ce simplement par opportunisme qu'il a choisi de défendre l'école à la maison, les raptes d'enfants ? Ou le renversement du gouvernement ? J'en sais rien. Mais il devra répondre de ses actes. Pour moi, il ne devrait pas être le seul. Beaucoup d'autres, plus connus, sûrement moins dangereux, continuent de jouer avec la peur des gens. Les ravisseurs citent Florian Philippot comme l'un de leurs politiciens préférés, avec Trump. J'aimerais tellement leur montrer cette vidéo retrouvée par hasard, où il réclame un confinement total au début de la pandémie, avant de changer radicalement son discours quelques semaines plus tard en prenant le contre-pied du discours de Macron. J'attends des mesures et nous attendons, nous sommes nombreux à attendre des mesures fortes immédiate. Il faut mettre la France en quarantaine, comme l'Espagne se met en quarantaine, comme l'Italie s'est mise en quarantaine, et ne pas avoir cette gestion de crise qui consiste à dire, eh bien, on va créer une immunité collective. Une immunité collective, c'est-à-dire qu'on va attendre que 60 à 70% de la population française soit infectée et que donc on accepte un sacrifice de dizaines de milliers de morts français. Moi, je ne souhaite pas que ça passe. Je ne souhaite pas qu'il y ait de chacun autour de nous, dans nos amis, dans nos familles, des morts, des cercueils, des gens enterrés. Je souhaite qu'on agisse le plus efficacement, le plus redoutablement et le plus vite possible. Ces agitateurs attisent le complotisme ambiant et s'en nourrissent, mais au final, ils ne le contrôlent pas. Les échanges le montrent. Daïe n'était pas suffisamment présent, pas suffisamment sérieux pour mener à bien un soulèvement. Pourtant... Il s'agit d'une action extrêmement bien préparée, baptisée par leurs auteurs « Opération Lima », comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Et cet enlèvement a été conçu comme une opération de type militaire. La conférence de presse du procureur après l'arrestation me reste dans la tête. Il a raison. Cet enlèvement a été pensé par des militaires. Capitaine ? Capitaine ? Oui ? Je voulais vous informer que j'ai du nouveau concernant la piste d'un militaire impliqué. Dites-moi. J'ai identifié plusieurs pseudos des militaires. Vous savez qu'il y avait plusieurs noms qui revenaient. Ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est à la juge d'instruction d'orienter l'enquête désormais. Je sais, mais j'avais du temps. J'ai poursuivi les recherches, notamment sur le lieutenant-colonel Carboni. Encore lui ? Oui, mais j'ai compris que le lieutenant-colonel Carboni et les trois autres colonels n'étaient autres que la même personne. C'est-à-dire ? On avait plusieurs militaires qui apparaissaient de temps en temps dans les messages. En fait, ils ne font qu'un. Ce qui veut dire que le même militaire était finalement au centre de pas mal de choses. Carboni ? Oui. Le lieutenant-colonel Carboni était l'ami de Pichoun depuis des années. Il a rencontré Corbeau. Les deux connaissaient son grade exact. C'est pour ça qu'ils nous ont parlé d'un lieutenant-colonel. Oui. Mais pour les autres membres du groupe, Carboni se présentait comme colonel. Ils ne le connaissaient pas. On a retrouvé dans les messages de Pichoun un message où Carboni signe colonel Y. Mm-hmm. Quant au colonel Renan, j'ai lu dans son dossier qu'il a une résidence rue Renan à Bordeaux. Il a dû aussi utiliser ce pseudo. Mm-hmm. Et d'autres membres qui ne le connaissaient pas ont retenu son mail. volontédedieu@protonmail.com. Et ils ont commencé à l'appeler Colonel Volonté. Carboni, Renan, Y et Volonté sont une seule et même personne. Bien vu. Je crois que je suis sur quelque chose. Le lieutenant-colonel Carboni tient un rôle plus important qu'on le pense dans cette affaire. C'est possible, mais il s'est retiré de l'opération. Oui, en mars, juste avant. L'opération porte sa marque militaire. Les voitures en soutien, les campements dans la forêt pour pas se faire repérer. Vous avez raison, il vaudrait mieux le convoquer. Nous avons des bonnes nouvelles. Les autorités malaisiennes vont procéder à l'expulsion de Rémi Daïe. Son visa touriste ayant expiré, nous devrions pouvoir l'interpeller dans les jours ou les semaines qui viennent. C'est une excellente nouvelle. De notre côté, nous avons bientôt fini le PV de synthèse. Nous avons pu reconstituer l'organisation du commando et le déroulé de l'infraction. Florence ? Oui. Alors, quand Lila décide de demander de l'aide pour enlever sa fille, elle tombe sur Bouga, qui devient son premier interlocuteur en janvier. Il joue le rôle de point de contact. Ensuite, Bouga échange avec Daïe pour valider l'opération. Ensuite viennent se greffer le lieutenant-colonel, Pichoun, Basile, qui vient d'être arrêté à son domicile, Corbeau et enfin Eric et Roméo. On n'a pas de traces d'échange avec Giulietta avant l'enlèvement. Giulietta, c'est la personne qui a hébergé Lila et sa fille en Suisse. Elle n'a été prévenue que lorsque Lila et Mia ont débarqué sur le pas de sa porte. Elle les a hébergées de nuit, mais elle affirme que quand elle a vu l'avis de recherche, elle leur a demandé de partir. Oui, ce qui confirme la thèse selon laquelle elle n'a été sollicitée qu'au dernier moment. Un dernier recours. C'est ça. On va voir avec les Suisses, mais je pense qu'on n'engagera pas de poursuite contre elle. Il nous reste un point à voir concernant un des mis en cause. Lequel ? Le lieutenant-colonel Carboni. Les écoutes de la DGSI sont claires. Au moment de l'opération, il était déjà hors du groupe. Il annonce qu'il s'en va à tout le monde en mars. Il est toujours en copie de certains mails, mais il n'est pas présent sur place et n'est pas sollicité pendant ni après l'opération. Nous avons découvert qu'il était en fait bien plus présent dans les échanges. Oui, c'est possible. Il faut qu'il s'explique. Et j'aimerais avoir votre autorisation pour procéder à son audition. Avec l'adjudant-chef Gomis. Ah, encore vous ? Bon, écoutez, j'allais vous l'annoncer, mais il y a un changement de programme. Comme vous le savez, certains ravisseurs étaient surveillés par la DGSI. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête contre Rémi Daïe et plusieurs membres du commando, ainsi que le lieutenant-colonel Carboni. Alors oui, vous avez raison, son implication est importante dans le mouvement, mais cela ne nous regarde plus. Mais... De quoi parlons-nous ? D'atteinte à la sûreté de l'État ? Oui, et terrorisme. Notre affaire, l'opération Lima, n'était qu'une affaire parmi d'autres pour Daillé. Le groupe avait lancé d'autres opérations. La DGSI nous a tenu informés dès le départ. Leur but ultime a toujours été de renverser le gouvernement. Exactement. Il y a plusieurs affaires. D'autres projets d'enlèvement d'enfants qui n'ont pas abouti, mais aussi un attentat terroriste. Alors, je n'ai pas moi-même toutes les informations, mais les faits reprochés sont suffisamment graves pour que le juge, en accord avec le procureur, reconnaisse que nous n'avons plus la compétence. Nous allons nous dessaisir au profit du parquet national antiterroriste. On nous retire l'enquête ? Vous terminez le rapport et on transmet tout à Paris. L'affaire va être rattachée aux autres. Ce sont les mêmes protagonistes. Ça n'aurait pas de sens de faire deux procès. Allô ? Monsieur Gomis ? Bonjour, madame. Je suis désolée de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Il y a un problème avec Mia ? Non, elle va bien. Mais notre avocat vient de nous apprendre la nouvelle. Le transfert au parquet antiterroriste ? Oui. Je suis perdue, là. Ma fille n'a jamais participé à un coup d'État. L'avocat m'a dit ça, qu'il y a des chances pour que l'on change de juge pour un nouveau qui va tout reprendre. C'est... Oui, c'est ce qui va se passer. Mais votre fille sera jugée pour ce qu'elle a fait. Et uniquement pour ça. Combien de temps ça va prendre ? Ça risque d'être long, malheureusement. C'est terrible ! C'est terrible ! J'aime ma fille, vous savez. Mais comment vous voulez qu'elle puisse se reconstruire si elle doit attendre son procès pendant des mois ou des années ? Que répondre ? Une partie des mises en cause n'a pas sa place dans un procès pour terrorisme. Ces gens doivent être jugés pour enlèvement de mineurs, ce qui en soi est déjà énorme. Je ne doute pas que chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a commis, mais les mises en cause devront attendre. Des mois, voire des années, avant d'avoir un procès. Ce sont les délais à Paris. J'ai jamais eu l'intention de m'impliquer dans un mouvement violent. Le principe du grand renversement était de redonner le pouvoir au peuple en faisant une révolution pacifique. Monsieur Carboni, comment vous êtes-vous retrouvé dans le mouvement de Rémi Daillé ? Pitchoun est un ami de longue date. J'aime les arts, et c'est un musicien de premier plan. Il s'avère que nous partageons un certain idéalisme. Il m'a parlé de ce mouvement et j'ai accepté de donner un coup de main. Il s'agissait d'amener une certaine rigueur dans ce mouvement assez hétéroclite, faut le dire. Vous savez, je me suis retrouvé dans ce rôle parce que mon grade de lieutenant-colonel, même en retraite, m'a donné une certaine aura dans le groupe. En quoi consistait votre rôle exactement ? Oh, j'ai pas fait grand-chose. J'ai structuré le mouvement en groupements régionaux et on essayait de rallier des personnalités du monde politique ou militaire. C'est bien vous qui avez fourni le plan d'action pour l'enlèvement ? Un plan, c'est un bien grand mot. J'ai fait un petit schéma pour décrire comment se déroulait une opération militaire, la notion de zone d'action, zone d'appui, soutien et couverture. Ce schéma tient sur un bout de papier. Vous aviez pris en main la tactique des troupes ? Ça aussi, c'est un bien grand mot. Vous formiez les adhérents en leur montrant des vidéos de manifestations de pompiers pour analyser comment contrer les forces de l'ordre ? Oui, enfin, j'ai envoyé des liens YouTube avec quelques explications. Les pompiers sont des militaires bien organisés. Ils arrivent à tenir tête aux forces de l'ordre et à les faire reculer quand ils sont en manifestation. Ben, c'est un bon exemple. Mais là encore, il n'était pas question de violence. Vous vouliez quand même organiser le mouvement avec des groupes de voltigeurs. Certains membres de l'organisation s'entraînaient au maniement des armes et réunissaient les éléments pour fabriquer des bombes artisanales. Oh, allons. Vous avez vu Pitchoun, Corbeau et Jeannot ? Vous les imaginez poser des bombes et jouer les gros bras ? Non. L'idée était de submerger par le nombre, pacifiquement. Mais entre nous, si je suis parti après seulement quelques semaines d'engagement, c'est bien que je me suis rendu compte que ce projet était une chimère. J'ai vu que Daillé n'avait pas les épaules. J'étais pas bien à ce moment de ma vie, pour des raisons médicales et psychologiques. Je dormais pas. Je me suis retrouvé embrigadé dans cette histoire sans réfléchir. J'ai laissé ma santé. Et ces gens déliraient complètement. Mais heureusement, ma femme et mon fils m'ont aidé. M'ont ouvert les yeux sur ce que j'étais en train de faire. Je suis un militaire qui a toujours servi la patrie avec honneur. Vous partez directement ? Je crois qu'on a fini. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas obtenu plus avec le lieutenant-colonel. J'espère que l'enquête antiterroriste ira plus loin. J'aurais pas dû vous laisser auditionner Carboni. Ça ne vous a rien apporté. Et avec la fatigue, ça risque même de vous laisser une sale frustration. Ouais, mais je suis un peu frustré, capitaine. Quand même, vous trouvez pas ça bizarre qu'il se soit retiré miraculeusement au bon moment ? Moi, je le crois quand il dit qu'il s'est rendu compte de la nullité de Daillé. On ne finance pas un enlèvement d'enfants en ouvrant une cagnotte sur un site internet ouvert à tous. Peut-être que Carboni a encore des amis haut placés qui l'ont prévenu. Il était au centre de tout. Il avait le savoir-faire et les réseaux. Je crois pas. Je l'ai lu, son dossier. Vous vous faites un film. On a en face de nous un retraité blessé de guerre en Bosnie. Il a été blessé physiquement et psychologiquement. Et il ne s'en est jamais remis. Depuis, il occupait un poste militaire administratif en banlieue. Il passait ses soirées à faire la fête dans des cabarets parisiens. Pichoun et lui sont des copains de bar. Il est bipolaire, sous médicaments. Il a combiné un départ en retraite mal préparé avec un confinement au fin fond de la campagne. Et il a pété un câble. Alors oui, il est sûrement un peu facho sur les bords, mais ça fait pas de lui un comploteur en chef. Vous cherchez là qui tire les ficelles dans cette affaire, mais je crois qu'il n'y a pas un chef. C'est le groupe qui est responsable. En groupe, les hommes sont cons. Rappelez-vous, la connerie est courante. Le complot nécessite un esprit rare. Clairement, il n'y en a pas d'esprit rare dans cette affaire. Vous avez sûrement raison. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas dangereux. Hein. Mais ce n'est pas nous qui pouvons lutter contre le complotisme et la connerie des hommes. Nous sommes juste là pour en atténuer les symptômes. Et là, nous avons réussi. La petite Mia va pouvoir reprendre une vie normale. Michael, on peut se réjouir. Vous êtes fin dans l'analyse. Si jamais vous voulez passer à une SR, on pourra soutenir votre demande. Et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Merci, capitaine. Je vais réfléchir. Mais j'aime pas trop les grandes villes. C'est fini le temps où le complotiste était le simplet qui faisait rigoler au comptoir avec ses discours farfelus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et la pandémie sont passés par là. Avec les confinements, les Lilas, Pichoun ou Carboni ont été coupés du monde réel et ont vrillé. Ils se sont intoxiqués sur les réseaux sociaux, victimes de leurs propres angoisses. Les algorithmes de Facebook, YouTube et Twitter ont fait leur sale boulot, les couper des gens raisonnables et les conforter dans leurs idées délirantes. On laisse le cancer se répandre et nous, gendarmes, on se retrouve encore une fois en première ligne face à cette nouvelle menace. La fin des restrictions n'a pas arrêté la vague. Au contraire, j'ai même l'impression qu'elle s'accélère. La folie devient la norme. La violence se propage et de plus en plus d'enragés commettent l'irréparable. La chasse à l'homme se poursuit en Dordogne. Un ancien militaire de 29 ans... La dictature, ça suffit. ...pour violence conjugale. Vive le renversement. ...recherché après avoir tiré sur des gendarmes dans la nuit de samedi. Ils appartiennent à un groupuscule néo-nazi baptisé Honneur et Nation. Je veux un renversement. ...un attentat... Avec Rémi. ...loge maçonnique de ...pour le retour de nos libertés. ...selon les enquêteurs, projetaient de poignarder Emmanuel Macron. Je veux un renversement. ...prévoyait d'attaquer des mosquées, puis d'assassiner Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Un grand soutien à notre Rémi national pour un renversement définitif. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Avec Robinson Stévenin, Mounir Margoum, Karine Goron, Raresh Yenasoaï, David Mandino, Manika Auxir, Suzanne Alain, Françoise Gaziot, Caroline Piette, Malvina Pléga, Xavier Robic, Dominique Parent, François Hatt, Roch Lebovici et les voix de Marina Moncade et Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Take my hands, take these stones, I don't care, ain't my home. Take my clothes, my fancy shoes, I don't need it anymore. 'Cause I wanna fly so high, be naked in the sky. Disappear with you. Big brow, all these big brow, talking, always talking. I don't care about your job, I don't wanna change wealth, I just wanna be a little bird. 'Cause I wanna fly so high, be naked in the sky and disappear with you. Disappear with you. Oh, you. Yeah, you. When we're up in the sky, no more people sucking me dry. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne et membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie des technologies. Vous êtes sociologue et vous étudiez depuis des années les croyances collectives. On reviendra d'ailleurs sur cette notion de croyances collectives et leurs conséquences sociales. Vous êtes aussi l'auteur de La démocratie des crédules, sur laquelle on reviendra aussi, les crédules, hein, ça dit beaucoup de choses, et d'Apocalypse cognitive, tous deux aux éditions PUF, Presse unitaire de France, et votre dernier livre est intitulé, lui, Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est, c'est aux éditions Autrement. Alors, nous venons d'écouter la fin de l'épisode 6 de cette série intitulée L'opération Lima, et nous nous apercevons que si pas mal de membres du commando et la mère de la petite Mia sont plus ou moins en souffrance eux-mêmes, et ont une vision perturbée du réel, d'autres dans le groupe sont plus dangereux et ont des idées et des vues qu'on appelle conspirationnistes et en plus revendiquées. Alors je pense à Rémi Daillé évidemment, qui a été arrêté par la police et qui représentait un danger. Que penser de ces gens si différents, mais tous unis dans les mêmes actes, hors la loi, et ce, encore une fois, pour des raisons différentes? Qu'est-ce qui les unit? Ah oui, c'est vrai que ça fait un peu armée mexicaine, d'une certaine façon. Ce qui les unit probablement, enfin, si je me fonde sur les enquêtes internationales qui essayent de cerner qui sont ces gens qui adhèrent aux théories du complot, eh bien, pour ceux-ci, en tout cas, c'est un sentiment de frustration. C'est tout simplement l'écart entre la façon dont on se représentait sa vie et la façon dont elle s'est réalisée, en quelque sorte. Et quand on a l'impression que la vie ne nous a pas donné ce à quoi on avait droit, eh bien, cette frustration se mue éventuellement en rage politique, voire en action de violence politique, comme on le voit. Et c'est un indice qu'on retrouve, par exemple, dans la perception de la mondialisation. C'est les gens qui ont, par exemple, l'impression d'avoir perdu dans la mondialisation et qui peuvent d'ailleurs objectivement avoir été déclassés. Et ce sentiment de déclassement, il n'est pas toujours fictif. Mais il faut dire que ces individus-là qui passent à l'action ne sont pas forcément représentatifs des conspirationnistes. Parce qu'une des caractéristiques de ceux qui croient aux théories du complot, c'est de croire à des choses qui devraient les radicaliser et les rendre très violents, mais en même temps, ils ne font pas grand-chose. Et heureusement pour nous tous, évidemment. Une chose qu'on trouve dans les enquêtes qui est absolument passionnante, c'est que ceux qui se déclarent conspirationnistes, par exemple ceux qui croient que la mort de la princesse Lady Diana est en fait le fait d'un assassinat, peuvent croire en même temps qu'elle n'est pas morte. Ce qui est évidemment complètement contradictoire, mais ce qui prouve une chose, c'est que ce n'est pas qu'ils croient fermement l'une ou l'autre. Ce qu'ils veulent nous dire par là dans les enquêtes, c'est qu'en fait, ils ne seraient surpris ni d'une hypothèse, ni de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle des proto-croyances, en fait. Donc, ils sont presque croyants. Ils se tiennent au bord du gouffre, mais ce n'est pas du tout le cas des individus qui sont impliqués dans l'affaire que vous avez présentée. Oui, alors, on va y revenir, mais on a l'impression quand même que les gens qui tombent là-dedans nous disent « Ah ben, vous êtes naïfs, nous, on sait !» Les vaccins, par exemple. Allez-y, faites-vous vacciner, vous allez voir. Hein, si dans quelques années, vous avez des maladies neurodégénératives, des choses affreuses, ben on vous l'a dit. Nous, on est moins naïfs que vous. Absolument. Ils ont eu souvent une impression de supériorité. D'ailleurs, les études montrent aussi, je me réfère à la science, hein, pardon, montrent qu'ils ont tendance à avoir plus confiance dans leur opinion que la moyenne des individus. Et c'est ce qui est le cas de la radicalité en général. Et en effet, souvent les théories du complot, vous remarquerez, elles vous proposent une narration cohérente, reliant des éléments qui apparemment étaient disparates, enfin qui sont disparates pour vous et moi, parce que le monde est ainsi, il y a des hasards, il y a des choses étranges, on ne comprend pas toujours la cohérence même de l'histoire avec un grand H. Mais ces récits, eux, proposent de mettre de la cohérence là où il n'y en a pas toujours. Ce qui fait que lorsque vous adhérez à ces récits, ben c'est ce qu'on appelle un effet de dévoilement. Tout à coup, c'est comme tous les pics de l'iceberg qui révèlent le fond de l'iceberg et vous vous sentez plus intelligent. Et ça vous indigne qu'on ne vous croit pas. D'ailleurs, un certain nombre de métaphores que les conspirationnistes utilisent eux-mêmes, et même des insultes comme les moutons. Vous savez, pour eux, nous sommes des moutons. Ou par exemple, la fameuse pilule rouge et bleue du film Matrix, qui est censée, une fois que vous l'avez prise, eh bien, vous éveiller à la réalité. Ils s'auto-désignent d'ailleurs comme des êtres éveillés assez souvent. Indique la mythologie dans laquelle ils sont. une chose très rare à bien regarder. Contre sa peau, je resterai. Amour, amour, outre-Atlantique, transgénital. Transgénital. Transgénital. Transgénital. Transgénital. Est-ce que c'est pour aussi une façon d'exister ? Certainement, et d'ailleurs on le voit dans cette envie de faire sécession, hein. C'est le cas de Lola par exemple, bon, qui manifestement a des problèmes personnels, des problèmes professionnels. Eh bien la tentation en effet de ces récits, c'est de faire sécession. Il y a plusieurs façons de faire sécession. Il y a la façon très très radicale qui consiste à essayer de promulguer un coup d'État, n'est-ce pas ? Et on l'a vu d'ailleurs en France, mais aux États-Unis. Songez à ce qui s'est passé avec le groupe QAnon, qui est un autre groupe conspirationniste, avec l'invasion du Capitole. Il y avait beaucoup de membres du groupe QAnon dedans, avec des thèmes très similaires, réseaux pédosatanistes, etc., etc. Une autre façon de faire sécession, eh bien, c'est de faire société soi-même, comme le groupe One Nation, par exemple, qui essaye de rompre géographiquement, d'être, de vivre en autonomie. Et une troisième façon, celle qui est la plus répandue, celle de nos conspirationnistes ordinaires, je dirais, c'est de faire sécession du point de vue informationnel. C'est-à-dire qu'on on rompt avec, je dirais, l'espace intellectuel commun dans les démocraties où on a le droit de se disputer, mais au moins avec des arguments commensurables en quelque sorte. Alors là, on va s'alimenter de plus en plus à des sources d'informations alternatives qui s'autodésignent, vous l'aurez remarqué, comme des sites de réinformation. Généralement, quand vous voyez le mot réinformation, vous pouvez être sûr que le conspirationnisme n'est jamais très loin. On va prendre un exemple emblématique. Ces gens qui ont fait croire que la merveille humaine et technologique du programme Apollo était une construction, ils ont même impliqué à son corps défendant, j'imagine, Stanley Kubrick, en disant qu'il avait filmé sur Terre tout ce que l'on croyait voir sur la Lune. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Et c'était avant Internet, hein, je rappelle. Eh ben, évidemment, d'abord, Internet n'a pas inventé les théories du complot. Voilà, c'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, il les fertilise beaucoup, parce que, par exemple, il permet une nouvelle façon d'administrer de la preuve. Vous remarquerez que les théories du complot sont souvent caractérisées par ce que j'ai proposé d'appeler des millefeuilles argumentatifs. Je pense que l'image est assez parlante. C'est-à-dire une accumulation d'arguments tout à coup, forme l'impression que tout ne peut pas être faux. J'ai particulièrement travaillé, par exemple, sur les attentats de Charlie Hebdo, où on a vu beaucoup d'arguments, de théories du complot se diffuser dès le 7 janvier, c'est-à-dire le jour même. Eh bien, le jour même, il y avait plus de 25 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Ce qui est très intéressant, c'est que ces arguments peuvent être incompatibles les uns avec les autres. Donc on est là dans la proto-croyance, comme je vous disais. C'est-à-dire, en fait, c'est des croyances qui sont un peu vagues, qui suscitent un peu l'indignation politique, mais heureusement, pas suffisamment pour que la plupart de ces gens passent à l'action. Mais ça arrive de temps en temps. Le cas que vous exposez est évidemment édifiant de ce point de vue, mais il y a aussi, avec la même inspiration, le fameux Pizzagate aux États-Unis. C'est quelqu'un qui croyait qu'il y avait aussi des réseaux pédosatanistes, notamment animés par les démocrates, et que tout cela se passait dans des sous-sols d'une pizzeria. Ne me demandez pas pourquoi. Ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'elle est absolument spectaculaire. Donc vous voyez, de temps en temps, il y a quand même des gens qui sortent en armes, donc il ne faut surtout pas sous-estimer la dangerosité de ces propositions. La dangerosité passe par les fake news, élément constitutif de ce complotisme. Et lui, il est dangereux. Lui, il est dangereux, le fake news. Comment on peut lutter contre ça ? Parce que la dérive, le danger, il semble là quand même. Hein. Désinformé, c'est-à-dire informé par le mensonge. C'est grave. Oui, le danger principal, c'est celui de rompre notre espace intellectuel commun. Je vous disais tout à l'heure, la démocratie, c'est un espace où on se dispute, c'est normal, on n'est pas d'accord, c'est le contre-pouvoir, c'est le principe même de la démocratie, mais pour se disputer de façon fertile, encore faut-il vivre dans le même monde. Or, on est de plus en plus confronté à des individus qui appartiennent à la même société, mais qui ne vivent pas dans le même monde. Pour reprendre l'exemple américain, il y a une partie, des républicains notamment, des électeurs qui sont convaincus que le président légitime, c'est Donald Trump. Et non pas Joe Biden. Ouais. Donc ils vivent dans des réalités alternatives en quelque sorte. Ça, c'est un énorme problème pour la démocratie. Et bien sûr, à partir du moment où vous avez l'impression que vous avez été volé dans une élection, vous avez l'impression qu'il y a des réseaux, par exemple, pédosatanistes, où vous avez l'impression qu'on essaye de vous empoisonner par des vaccins ou de mettre des nanopuces pour vous contrôler votre cerveau, ben, il est normal que ces croyances, quand vous les avez endossées, eh bien, se convertissent en forme de radicalité. Il est normal d'avoir envie de retourner la table. Mais il ne faut jamais oublier qu'on peut croire des choses folles sans être fou soi-même. C'est-à-dire que ces individus ne sont pas caractérisés par la psychiatrie. Bien sûr qu'il y a des fous dans le cortège, mais ce n'est pas... Enfin, il faut veiller à ne pas psychiatriser ces individus. Ouais, en fait, ces individus ont des raisons de croire ce qu'ils croient, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Est-ce qu'il y a un volet qui serait moins dangereux pour le coup et qui pourrait être qualifié de puéril? La volonté de rendre la vérité spectaculaire. Parce que nous, on le sait bien, les journalistes, la vérité, elle est rarement noire ou blanche, elle est souvent grise. Hein. Ça, c'est pas spectaculaire, ce qui est gris. C'est pas vendeur. Mais c'est vrai que la spectacularité de ces propositions, de ces narrations, les théories du complot, c'est peut-être ce qui attire certains, mais c'est aussi ce qui attire leur popularité. Mais oui. C'est-à-dire, au moins, on va les regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va les endosser, qu'on va les croire. Mais du moins, vous savez, sur le marché de l'attention, qui est un marché très concurrentiel maintenant, vous en savez quelque chose en tant que professionnel de la diffusion de l'information, eh bien, le fait de proposer une information spectaculaire est particulièrement tentant pour nos cerveaux. Et le problème serait que, par exemple, les journalistes suivent cette route et j'ai bien peur qu'ils le fassent, en effet. Parce qu'il peut y avoir une contamination des médias conventionnels par cette logique numérique, pour des raisons de survie, tout simplement économique. C'est-à-dire pour attirer l'attention, la disponibilité mentale de nos concitoyens. Donc c'est une concurrence généralisée de tous les modèles intellectuels proposant de décrire le monde à laquelle on assiste aujourd'hui, et le conspirationnisme a quelques avantages concurrentiels sur ce marché. En tant que journaliste, lutter contre ça, c'est une belle mission pour nous journalistes. C'est une belle mission, et je crois que les journalistes le font. Vous savez, pour l'affaire Charlie Hebdo, par exemple, j'avais regardé le nombre d'arguments qui étaient défaits par les journalistes, parce que les journalistes ont vraiment remonté les manches pour ça, et je m'étais aperçu qu'en fait, il y avait seulement un tiers des arguments conspirationnistes, alors que presque toute la presse s'y était mise, qui étaient en fait contredits, et donc ça laissait une masse encore très importante d'arguments disponibles, tous faux ou douteux, bien entendu, mais qui créaient cette impression de vérité, et puis cette intimidation aussi intellectuelle. Parce que quand vous êtes confronté à un conspirationniste, si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas remporter le débat avec lui. Parce que lui va vous accumuler, il va accumuler des arguments. Des fausses preuves. Se tiennent entre elles. Et puis vous n'aurez pas le temps, parce que vous n'avez pas que ça à faire, de consacrer autant de temps que lui, parce que vous êtes moins motivé que lui. Ça veut dire qu'il faut inventer un autre récit par rapport au récit réel. Je parle bien de récit, donc le conspirationnisme achevé. C'est celui qui propose un récit complet, c'est ça ? Absolument, c'est celui qui propose un récit complet. Et de ce point de vue, il n'y a pas de théorie du complot, je dirais, anodine. Certaines nous font sourire, comme l'idée que la Terre serait plate, par exemple, les platistes. Les platistes. Mais en réalité, une fois qu'on a souri, il faut se méfier, parce que là aussi, les études montrent qu'en général, on commence par adhérer à une théorie du complot, et qu'au bout de quelques mois, quelques années, on finit par les adopter toutes. C'est ce qu'on appelle les méga-complots, et c'est ce qui caractérise particulièrement l'affaire que vous avez traitée aujourd'hui. C'est-à-dire que Lola, elle n'est pas seulement persuadée qu'il y a un réseau pédophile, etc. Elle est aussi anti-vaccin, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle a accumulé toute une série de strates narratives qui font qu'elle est tentée, en effet, et d'ailleurs elle le fait malheureusement, de rompre avec la loi de son pays. Gérald Bronner, la boucle est bouclée. J'allais vous poser la question, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, quel est votre regard sur notre histoire? Bien, vous l'avez donné, je vous en remercie infiniment. Merci. Et pour l'ensemble de ce que vous avez dit. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction Opération Lima. Aujourd'hui, sixième et dernier épisode.